chérie à moi, l'amour s'aimer, voilà le vrai sens de la vie. Satangote yakapene pananga eme eme de sangue chérie à moi l'amour s'aimer voilà le vrai sens de la vie monte mananga na pesina yore kobwa kate bomba yango na coffre fort o ma pote eme eme de sangue chérie à moi l'amour s'aimer voilà le vrai sens de la vie. Sangana to sala li pala e to bota bana e souvenir a bolingo o ma pote eme eme de sangue chérie à moi l'amour s'aimer voilà le vrai sens de la vie. Au Sembo.